La manifestation contre les manœuvres militaires des bellicistes américains et sud-coréens Uzi Freedom Guardian visant la première frappe nucléaire contre la République populaire démocratique de Corée s'est déroulée devant l'ambassade américaine en Grande-Bretagne. Y ont pris part les personnalités du nouveau parti communiste, de l'association d'études de la politique de Sungun, du cercle d'études du Zé du Tutsé et de l'association d'amitié avec la Corée et autres habitants. Le même jour, les manifestants ont critiqué aussi devant l'ambassade sud-coréenne à Londres la bande de Pakonnet s'affairant à la confrontation fratricide à l'instigation des forces étrangères.